Bienvenue dans Exocet, vous êtes sur Rage et exceptionnellement cette émission se fera sans Thomas hein, puisque donc Thomas ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Donc Thomas, si tu nous écoutes, salut à toi, vous le retrouverez la semaine prochaine. Donc ce soir, eh bien c'est un retour aux sources de cette émission finalement puisque je me retrouve seul avec Mika. Et ça fait plaisir de se retrouver ensemble enfin, tous les deux en amoureux. Voilà, comme au tout début de cette émission, en tout cas du nouveau concept de cette émission l'année dernière. Donc voilà, ce soir on va parler de psychologie. Alors si vous écoutiez Exocet la saison dernière, vous avez peut-être entendu cette émission dans laquelle on a évoqué certains phénomènes psychologiques plutôt bizarres. On avait parlé notamment de l'expérience de Milgram. Alors, donc je fais un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté l'expérience de Milgram. C'était une expérience dans laquelle un chercheur avait demandé à des étudiants, à des cobayes tout simplement, d'électrocuter volontairement un autre cobaye. Et ce que ces cobayes ne savaient pas, c'est que celui qui se faisait électrocuter était un acteur, donc payé, pour faire semblant d'avoir mal. Et donc, l'expérience, c'était que l'étudiant testé, donc hein, c'était lui le véritable cobaye de l'expérience, devait poser des questions à celui qui était relié à des électrodes, et à chaque fois que cette victime malheureuse échouait dans la réponse, elle recevait une décharge. Et donc l'expérience de Milgram, son but c'était de voir jusqu'à où est-ce que l'autorité de l'uniforme tout simplement peut mener les hommes. Et là en l'occurrence, les scientifiques qui demandaient aux cobayes, aux étudiants d'électrocuter ces pauvres victimes, eh bien ça allait très loin hein, puisque parfois même il y avait des évanouissements, donc simulés encore une fois par les acteurs, et les étudiants continuaient à envoyer des décharges électriques sur la demande des scientifiques. Et donc voilà le constat de cette malheureuse expérience, c'est qu'effectivement eh bien on peut faire beaucoup de choses sans réfléchir si ça nous est demandé par une instance supérieure ou simplement par quelqu'un qui a les uniformes ou les apparats d'une instance supérieure. Codes. Donc voilà, l'expérience de Milgram. Et on avait également parlé de l'expérience de H, qui est une expérience basée sur l'influence du plus grand nombre sur nos perceptions individuelles. Donc dans cette expérience-là, pareil, il y avait un étudiant qui était réellement le cobaye de l'expérience et d'autres étudiants qui étaient complices. Tout ce petit monde-là était dans une pièce. Tranquille. Dans cette pièce, un tableau, et sur ce tableau, plusieurs lignes. Donc il y avait une ligne A qui avait une certaine longueur, une ligne B qui était plus courte que cette première ligne et une ligne C qui était plus longue. Et l'expérimentateur demandait donc aux étudiants de dire si la ligne B était plus courte ou égale à la ligne A. Donc bien que elle était manifestement et très clairement plus courte, les étudiants complices disaient qu'elle faisait la même taille, et donc l'étudiant qui était réellement testé finissait dans 60% des cas à se rallier à l'opinion du plus grand nombre, donc quitte à aller contre ses propres perceptions. Ou alors peut-être qu'il était vraiment nul. Alors oui, ça peut-être que oui, il y en avait certains cas qui étaient myopes, mais donc dans la plupart des cas, il y avait donc des preuves que l'influence du groupe est très forte sur les perceptions individuelles. Et puis il y en avait certains qui étaient tellement convaincus effectivement que la ligne par exemple était aussi longue que la ligne A, quand on leur disait qu'en fait c'était faux, que c'était un canular, mais ils refusaient de le croire au premier abord. On mesure. Voilà, ils s'étaient vraiment persuadés que effectivement c'était la réalité, que le plus grand nombre avait réussi à percevoir. Donc voilà, c'est quand même assez étonnant et inquiétant en ce qui concerne donc la psychologie humaine. Et donc ce soir, on va s'attaquer à d'autres phénomènes comme cela, et notamment un des phénomènes psychologiques les plus importants, les plus connus de la psychologie sociale, c'est la dissonance cognitive. Et vous allez voir, messieurs, dames, que ce phénomène explique beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes chez nos semblables humains. J'adore. Alors, quand tu annonces un sujet en souriant, ça veut dire qu'il va être très très bien. Oui, parce que vous allez voir qu'on s'y reconnaît tous dans cette histoire de dissonance cognitive et qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses et que ça permet de comprendre beaucoup de comportements étranges. Alors, cette théorie a été élaborée dans les années 50 par un chercheur qui s'appelait Léon Festinger, un chercheur américain, et l'idée de cette théorie, c'est qu'on a besoin d'entretenir des relations équilibrées entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà, à tout prix. On essaye d'éliminer le plus possible toutes les cognitions contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'une cognition ? C'est un terme scientifique pour parler d'idées, d'opinions, de comportement. Donc voilà, on essaie d'éliminer toutes les idées contradictoires. Et par exemple, si je suis écologiste, je ne jette pas de piles à la poubelle. Voilà. Parce que si je le fais, il y a un état de tension psychologique assez désagréable qui s'empare de moi, une dissonance donc entre l'attitude écologique que je devrais avoir et mon comportement. Donc il y a une dissonance, comme en musique, hein, soit les notes sont en harmonie, Donc là, en l'occurrence, ça voudrait dire que mes actes sont en harmonie avec ce que je pense, soit il y a une dissonance, et là, c'est le cas. Et donc, on est prêt à tout, dans notre vie de tous les jours, pour réduire cette dissonance, parce que c'est très désagréable. Ah ouais, parce que du coup, on a ce sentiment de mal-être, mal à l'aise, voilà. On n'est pas bien, on y pense la nuit. Il y a cette résistance. Alors, par exemple, pour le cas de notre écologiste, donc, pour établir l'équilibre et diminuer cette dissonance-là... On peut lui donner un prénom, s'il te plaît, ça va me gêner, sinon. Vas-y, je t'en On l'appelle Thomas. Allez, Thomas, on va dire que ça sera toi. Donc, pour rétablir l'équilibre et diminuer donc cette dissonance, Thomas doit trouver des idées qui vont justifier son comportement. Et vous allez tous vous reconnaître là-dedans parce que c'est un fait. Très souvent, on essaie de se voiler la face pour justifier son attitude. Et donc, on peut essayer. Thomas pourra essayer de se convaincre que les piles seront retrouvées au centre de tri. Voilà. Donc. Ouais, ils vont. De toute façon, si ça se voit, ces piles, ils vont pas les laisser traîner comme ça. Ils vont les récupérer et ils vont faire le recyclage eux-mêmes. Voilà. Donc, pour diminuer la dissonance qu'il y a entre son attitude d'écologiste normal et son comportement irresponsable qui est de jeter une pile dans la poubelle, Thomas va trouver une justification qui est, par exemple, les piles seront retrouvées au centre de tri de toute façon, c'est pas si grave. Voilà. Et donc, c'est une anecdote anodine, mais on retrouve énormément d'applications de ce système-là, de ce mécanisme-là dans la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup d'expériences aussi, souvent insolites, qui ont démontré la réalité de la dissonance cognitive. Alors en 1962, par exemple, un chercheur qui s'appelait Cohen donc a fait une expérience. Alors à la suite d'une intervention policière particulièrement musclée sur un campus américain, les étudiants de ce campus étaient très en colère et très remontés contre la police. Il y en a marre. Voilà, alors donc Cohen, le chercheur, explique à certains étudiants que dans le cadre d'une étude sur cette intervention de police, il a besoin de recueillir des arguments favorables à l'intervention parce qu'il a déjà obtenu suffisamment d'arguments contre l'intervention, effectivement. Alors voilà, il demande ça aux étudiants, il leur dit écoutez, je vous propose de m'écrire une sorte de plaidoyer pour justifier l'intervention de la police. Je sais que vous êtes tous contre, que vous avez tous été révoltés, mais je vous demande de m'écrire quelque chose pour qui justifierait. Alors, les sujets qui s'engagent à participer apprennent qu'ils recevront en échange une rémunération. Mais cette rémunération n'est pas égale pour tous. Aha. Alors, Cohen va donner à certains étudiants 50 cents, à d'autres il va leur donner 1 dollar, à d'autres 5 dollars et à d'autres 10 dollars. Et la question est, quels sont les étudiants qui ont réussi à écrire le plaidoyer le plus virulent pour la police? Eh bien, c'est ceux qui ont été le moins payés. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que l'hypothèse est la suivante. Les individus qui ont reçu une forte rémunération, ils ne sont pas en situation de dissonance parce qu'ils se disent « Bon, je vais mentir, effectivement, je vais dire que je suis pour l'intervention de la police, mais je sais que je le fais pour de l'argent, donc j'ai une justification, voilà. » Donc il n'y a pas de dissonance cognitive. Ils font pour de l'argent. Mais du coup, leurs arguments étaient relativement faibles. Ils faisaient semblant, finalement, d'être pour. En revanche, les sujets qui ont reçu une faible somme d'argent, eux, ils ne sont pas motivés par la rémunération. Finalement, s'en fout. 50 centimes, c'est comme s'ils l'avaient fait gratuitement. Du coup, ils sont en dissonance parce qu'ils se disent « Attends, c'est comme si j'étais pas payé finalement pour écrire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je pense. » Alors le seul moyen dans ce cas-là pour réduire la dissonance, c'est de croire vraiment à l'intérêt de l'intervention de la police et à s'investir vraiment dans le rôle demandé. Ça tue. Donc du coup, la réduction de dissonance amène les sujets en question à changer d'opinion sur cette intervention et ils finissent par se convaincre eux-mêmes que finalement, eh bien, la police n'avait pas forcément tort d'intervenir. Voilà les résultats de la dissonance cognitive. Pour réussir vraiment à mettre en accord parfait les actes et les pensées, on est prêt parfois à changer d'avis. Alors, une autre expérience, en 1965, c'est un chercheur qui s'appelait Zimbardo. Donc, avec quelques collègues, ils invitent... alors, c'est important, ils invitent, hein, ils ne forcent personne. Ils invitent des militaires américains, à manger des sauterelles grillées sous le prétexte de tester de nouvelles nourritures. Superbe. Alors, dans un des cas de figure, l'expérimentateur est super sympa, prévenant et très cool avec son assistant. Et dans l'autre cas de figure, il se comporte comme une ordure, il est méchant, il est cassant, il est sec avec les militaires. Et ceux qui avaient eu cet expérimentateur-là, donc l'expérimentateur sec et méchant, trouvent les sauterelles bien meilleures que les autres militaires qui, eux, avaient eu un expérimentateur cool. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui avaient eu le sympa avaient une raison toute trouvée de bouffer les sauterelles, c'était de faire plaisir au mec. Puisque l'expérimentateur est cool, on a une bonne raison de manger les sauterelles, on va lui faire plaisir. Mais en revanche, on peut exprimer qu'on trouvait ça dégueulasse, on a le droit. En revanche, pour justifier le fait d'avoir mangé les insectes quand l'expérimentateur était désagréable au lieu de se barrer, eh bien là, il fallait changer d'avis sur le goût des sauterelles. Donc du coup, les militaires qui étaient dans ce cas-là ont trouvé que les sauterelles étaient pas si mauvaises que ça. Voilà, genre, je suis resté parce que c'était pas si dégueu que ça finalement. Voilà comment la dissonance cognitive des militaires a été réduite. Alors, la théorie de Festinger donc prédit que si on a beaucoup bossé par exemple, vous allez voir que là aussi on s'y retrouve tous, si on a beaucoup bossé sur quelque chose et que les résultats sont négligeables, on va se trouver en situation de dissonance qu'il faudra donc réduire. Alors si au bout d'une semaine, par exemple, de régime, on n'a pas perdu un seul gramme, bien on pourra toujours se dire qu'on se sent mieux finalement. C'est vrai qu'on n'a pas maigri, mais on se sent mieux, c'est vrai, on est mieux. Et ou alors on réussira à se convaincre qu'on était plus gros en début de semaine. Voilà. si, je suis sûr que j'étais un petit peu plus gros que ça il y a quelques... Non, mais oui, mais la balance avait mal pesé. Et vous allez voir que ça se retrouve dans beaucoup de choses. Si on construit quelque chose, par exemple, imaginez, vous construisez un mur dans votre jardin, un petit muret, et puis là, il y a un observateur qui vous fait remarquer que le mur, bon, il est pas très droit, il est peut-être un petit peu penché, mais vous avez passé des journées entières en plein soleil pour fabriquer ce mur. Et bien vous allez vous dire que finalement, c'est pas si grave qu'il soit un petit peu tordu, alors que si vous aviez été un expérimentateur extérieur, vous auriez probablement été le premier à dire que ce mur était dégueulasse. Mais là, comme vous avez travaillé dessus, vous essayez de justifier le bien fondé de ce mur, valable aussi pour de la peinture. Admettez que vous décidiez de repeindre toute votre maison en vert, donc vous passez des jours entiers à repeindre votre maison. À la fin, manifestement, c'est moche, c'est dégueulasse. C'est en vert, quoi. Mais vous avez passé tellement d'heures à travailler là-dessus que vous allez essayer de justifier ce travail en vous disant que bon, bah finalement, c'est pas si moche, plus c'est moderne, plus c'est original, etc., etc. Et puis, il y a aussi la cuisine, hein. Par exemple, vous êtes un piètre cuisinier, vous décidez de faire un plat, pareil, vous passez 2 heures là-dessus. Au final, bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais comme vous l'avez fait, comme vous avez investi du travail, vous allez justifier l'existence de ce plan en vous disant, bon, finalement, si, c'est original, c'est exotique, etc. Donc voilà, vous voyez qu'on se retrouve tous dans la dissonance cognitive. Alors, la réduction de dissonance, le problème, c'est que elle risque de nous faire persévérer dans l'erreur au lieu de changer de cap. Voilà, on essaye de se justifier systématiquement au lieu de changer carrément de vision des choses. Alors, si après un achat, par exemple, on se dit « Est-ce que j'ai eu raison de mettre 2000 euros dans ce caméscope alors qu'il y en a à 800 ?» Eh bien, rassurez-vous, le mécanisme de réduction de la dissonance va trouver tout un tas de bonnes raisons pour apaiser cette tension interne. Hein, voilà. Donc ça, c'est magique, ça marche à tous les coups. Et il y a un exemple assez hallucinant qui s'est déroulé dans une secte, parce que vous verrez que la dissonance cognitive, ça marche aussi avec les croyances religieuses. Donc il y avait une secte dans les années 70 qui était persuadée que les extraterrestres allaient donc débarquer pour nous sauver d'un cataclysme, en tout cas pour sauver les adeptes de la secte d'un cataclysme. Donc voilà, le gourou, qui était une femme, avait dit à ses adeptes, la fin du monde approche, mais si on prie suffisamment fort, les extraterrestres vont venir et vont nous amener sur la planète, on sera sauvés. Alors le jour J, hein, le jour de l'apocalypse en question, il ne s'est rien passé du tout. Et là, il y a eu 2 cas de figure qui sont très parlants. Dans un premier cas de figure, il y a des adeptes qui ont été frappés par un éclair de conscience et qui se sont dit « mais c'est des conneries ». Il s'est rien passé, donc on se fout de ma gueule depuis le début. Ils sont partis, ils ont abandonné cette foi. Et puis les autres, eux, ont vu leur foi renforcée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé à tout prix de justifier ce qui s'était passé pour apaiser la dissonance cognitive. Ils se sont dit, les extraterrestres, donc, eh bien finalement, ils ne sont pas venus. Mais en même temps, la fin du monde n'est pas arrivée. Donc c'est sûrement parce qu'on a suffisamment prié pour ça. Donc ils nous ont entendus et ils ont empêché le cataclysme d'arriver. Ils n'ont même pas eu besoin de débarquer. Donc voilà, trouver systématiquement une justification pour réduire cette dissonance, ou alors accepter la vérité. Dans la plupart des cas, on préfère se justifier. Voilà, donc je vous invite vous-même dans les jours qui suivent, voire dans les heures qui suivent, à essayer d'analyser tous les cas de dissonance cognitive, tous ces cas où on essaye d'arranger la réalité à notre sauce pour justifier nos comportements, et vous allez voir que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Toujours dans Exocet, ce soir on parle de psychologie, si vous nous rejoignez à l'instant. Donc dans la première partie de l'émission, on parlait de la dissonance cognitive, c'est donc ce phénomène psychologique qui fait qu'on essaye systématiquement de justifier nos actes pour qu'il y ait un équilibre, hein, une harmonie entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, voilà. Donc c'est un phénomène très très très fréquent et qu'on peut appliquer à beaucoup de domaines de l'activité humaine. Alors le deuxième phénomène psychologique dont je vais vous parler à présent, c'est le phénomène dit de Bader-Meinhof. Voilà, c'est un nom un petit peu barbare. Mais... Il vaut mieux pas l'avoir, ce phénomène, hein, parce que pour expliquer, bon, j'ai le phénomène de Bader-Meinhof. Vous allez voir qu'on l'a tous, le phénomène de Bader-Meinhof, sous ce nom barbare, se cache en fait, un phénomène que qu'on peut croiser tous les jours. Alors, c'est quand on entend finalement un nom, un mot, une idée, et que peu après, on tombe sur le même nom, le même mot, la même idée. Voilà. Parfois de façon répétée. Alors, c'est quand on se dit, ah ben c'est fou, justement, j'en ai entendu parler hier, c'est dingue, incroyable. Ah ben écoute, j'ai un truc à dire là-dessus. Voilà, c'est systématique. Alors, c'est un phénomène proche du phénomène de synchronicité. Quand on vit une coïncidence, par exemple, qu'on croit être forcément un signe. Par exemple, on pense à quelqu'un, le téléphone sonne à ce moment-là, etc. Ça, c'est un signe, ça m'est arrivé ça déjà. Et ça voulait dire qu'on allait faire des grandes choses ensemble. Alors, en général, on est sidéré quand ça nous arrive et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un sens à tout ça. Alors, le phénomène de Bader-Meinhof, c'est vrai que très fréquemment, par exemple, on est en train de taper quelque chose, d'écrire quelque chose, et puis tout à coup, on entend le mot. Tu sais, tu es en train de taper, mais même parfois c'est des mots assez tendus. Hein, t'es en train de taper, je sais pas, circoncision, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Et puis hop, tu l'entends dans l'assistance. Tu dis, mais c'est fou, incroyable. Circoncision. Voilà, des phénomènes comme ça très très fréquents. Ou alors, vous entendez parler d'un sujet pour la première fois de votre vie, d'un thème, d'une œuvre. Non, c'est fou. Et dans les joues, oui. Mais non, c'est pareil avec les voitures, par exemple. On voit une voiture, genre une marque de voiture française verte, et on la voit. Une fois, on fait ah tiens, elle est jolie celle-là, et après, t'es sûr que dans les jours qui suivent, tu la vois 10 fois la voiture. Un bel exemple de phénomène Bader-Meinhof, absolument. Donc voilà, vous entendez parler pour la première fois, je vous dis, d'une œuvre, d'un film ou quoi que ce soit, et dans la semaine, vous allez en entendre parler d'un coup 4-5 fois. Je dis, mais c'est pas possible, il y a un signe. Le destin veut que il était sur ma route. Voilà, le destin veut absolument que, ben, que je vois ce film ou que je rencontre cette personne, etc. Alors la science a beau répéter que dans un monde aussi complexe que le nôtre, aussi riche que le nôtre, il est normal que des coïncidences, même incroyable, non, arrive, tout est écrit. On n'est pas satisfait par cette explication puisque nos observations du phénomène sont trop fréquentes pour qu'on puisse se contenter de ça. Bah oui. C'est vrai que ça nous arrive très souvent. C'est pas scientifique, ça. Il y a quelque chose qui se cache en dessous. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec moi. Ça s'explique comment, cette histoire-là ? Ça s'explique par le fait qu'une des aptitudes les plus développées de notre cerveau, c'est de repérer des modèles, des motifs, données et d'isoler des petits bouts d'informations qui forment du sens. Alors, par exemple, t'es mon modèle. Si on vous expose, alors tu vas voir le truc, si on vous expose par exemple un ensemble de tâches aléatoires sur une feuille, eh bien il y a de fortes chances que vous réussissiez à isoler un visage ou le visage du Christ, comme beaucoup le font sur les chips ou les pommes de terre, etc., ou les taches d'humidité. Croque-monsieur. Selon votre culture, voilà, la Vierge, Bouddha, etc., etc. Ou un visage d'une façon générale, parce que un visage humain peut se composer au minimum de 2 points pour les yeux, 1 pour la bouche. Donc on a très vite fait de voir un visage dans absolument tout et n'importe quoi, la moindre tâche aléatoire. Éventuellement. Mais on peut se contenter de 2 yeux et d'une bouche. Et donc voilà pourquoi on peut repérer très facilement cette séquence d'informations, même au milieu d'un ensemble assez chaotique. Et c'est pareil pour les informations. Voilà. Là, je parlais donc de données visuelles, mais c'est pareil pour les mots qu'on peut entendre. Alors, étant donné le nombre de mots, de noms et d'informations qu'un cerveau reçoit chaque jour, il est tout à fait normal, bien évidemment, qu'on tombe plusieurs fois sur la même information dans un court laps de temps. Ouais. Mais quand cette répétition arrive, le cerveau se focalise dessus parce que ça forme le début d'une séquence. Tout à coup, ça fait du sens. Mais on oublie évidemment les centaines de milliers d'éléments qui ne se répètent pas. Parce que il n'en rentre pas dans ce filtre. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Donc effectivement, vous entendez parler de quelque chose. Bon, on va rester sur l'exemple d'un film ou d'une voiture. Tiens, voilà, la voiture, c'était une bonne idée. On voit une voiture, effectivement. Bon, on pense à cette voiture verte de telle marque. Et puis... marque française. Et puis, quand on va la recroiser, cette voiture, effectivement, le cerveau va se focaliser dessus parce que tout à coup, il y a une séquence qui se crée. Et donc, on va être beaucoup plus sensible, on va créer une sorte de filtre mental qui va laisser passer toutes les autres voitures, mais qui va se concentrer sur celle-là. Et ouais, on va pas voir le jeune en cyclie, en vélo. Voilà. On va rien voir. Et c'est valable aussi, par exemple, pour une femme enceinte. Une femme enceinte se met à voir des femmes enceintes partout autour d'elle, par exemple. Parce que, donc, forcément, c'est quelque chose, tout à coup, qui l'intéresse. Elle se focalise sur cet événement-là. Et donc, son filtre mental va se diriger vers les femmes enceintes. Alors, vous verrez que c'est valable pour beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est particulièrement vrai pour les mots. Encore une fois, voilà, vous entendez un mot, vous entendez une notion. Dans la journée, vous allez en entendre des milliers, évidemment. Mais il suffit que le mot ou que la notion ou que l'idée se répète 2 fois pour que votre cerveau, qui est très très doué à ce petit jeu-là, isole la combinaison. Et puis ensuite, c'est l'avalanche. Hein. Si vous l'entendez 3 fois, alors là, c'est terminé. Vous êtes persuadé qu'il s'agit de signes. Il y a un sens à tout ça. C'est le destin qui voulait que. Et donc voilà, le phénomène de Bader-Meinhof, on peut l'observer chaque jour et de très nombreuses fois. Donc rassurez-vous, c'est très très classique. Oui. Moi, je vais me créer un filtre à femme à grosse poitrine. Mais tu vas voir que c'est très très simple. ça marche. Je vais me focaliser là-dessus. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène, eh bien, soyez attentifs. Vous allez voir que dans les jours qui suivent, bizarrement, vous allez sûrement entendre parler de phénomènes psychologiques du même ordre, peut-être même de celui-là, parce que tout à coup, ben, vous vous serez focalisé sur ce fait-là. Il aura éveillé votre intérêt et donc, du coup, votre cerveau va le repérer. Pour l'idée du téléphone qui sonne quand on pense à une personne, donc ça, il s'agit de coïncidence, mais ça peut s'expliquer par le même phénomène. On oublie trop facilement toutes les personnes auxquelles on pense et qui n'ont pas appelé et après lesquelles le téléphone ne sonne pas. Voilà. Donc ça peut arriver avec avec toutes les centaines de personnes auxquelles on peut penser par jour. C'est normal, coupe normal, le téléphone sonne. Souvent, c'est des coïncidences un peu aidées parce qu'on sait qu'elle va peut-être nous appeler dans ce laps de temps. En plus, ça peut être conditionné. On peut y penser, alors généralement on est toujours appelé vers 6h-ci. Enfin, c'est plein de trucs. En plus de ça, les personnes auxquelles on pense, bon, mais il y a de fortes chances pour que ce soit les mêmes que les personnes qui sont susceptibles de nous appeler. C'est nos amis, oui. C'est nos connaissances, c'est un cercle restreint. Donc voilà. Et puis généralement, quand je pense à quelqu'un, la personne pense à moi. Je suis lié par elle mentalement. Voilà. Si vous êtes amis, si vous, ou encore plus, si c'est votre chérie, il y a beaucoup plus de chances. Voilà. Oui, mais tout ceci est lié à un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de corrélation illusoire, dont on parlera juste après la deuxième pause musicale, corrélation illusoire, qui est plus connue sous le nom de loi de Murphy, hein, qui est beaucoup plus connue. Ce soir, on vous parle donc de psychologie dans Exocet, de phénomènes psychologiques auxquels on est tous soumis, mais qui restent quand même particulièrement étonnants et intéressants, puisque dès qu'il s'agit de se demander comment le cerveau fonctionne, bien forcément, c'est toujours intéressant puisqu'on en apprend sur soi-même. Et là, on va parler donc des corrélations illusoires. Alors, vous allez voir, encore une fois, un mot technique, mais derrière lequel se cache un phénomène qu'on peut observer chaque jour, que ce soit chez nous ou chez les autres. Alors, on a tendance à créer des liens avec des événements qui n'en ont pas. Voilà, ça, on le fait très souvent, on donne du sens à des choses qui n'en ont pas. Alors, on dit par exemple, donc lui, c'est vrai qu'il m'a parlé un peu froidement, mais c'est normal, c'est un nordique. Voilà, ce genre de raccourci, ce genre de cliché. Ou alors, à ne pas confondre avec le sandwich, le nordique. Voilà, non, là on parle de la personne. Ou alors, la voiture qui m'a coupé la route, c'était sûrement une femme qui était au volant. Voilà, bon. Ou un 13. Ou un 13. Très vicieux le coup du 13. Alors que les chiffres pour les femmes montrent par exemple qu'elles ont deux fois moins d'accidents, bien évidemment. Et mais, pour le 13. Mais elles sont deux fois moins nombreuses à conduire. Oui, non, non. Le macho. Sûrement pas. Et donc, oui. Alors oui, toi tu dis le 13, moi j'entendais parler du 30. Bon, j'imagine. Oui, que, mais il y a toujours quelqu'un. Voilà, enfin, j'imagine que c'est le genre de légende. C'est un 75. Voilà, on peut observer ce genre de légende dans toute la France et même dans le monde entier. J'imagine, il y a des départements qui sont stigmatisés. On dit tel numéro, ils savent pas conduire. Et effectivement, quand on est confronté à un chauffard qui est immatriculé dans le numéro en question, on se dit « Ah, mais normal !» Et le truc, c'est qu'on va occulter tous les chauffards qui ne sont pas immatriculés dans ce département-là. Voilà. C'est toujours ce phénomène de focalisation et on évite de s'ouvrir l'esprit et on a tendance à croire eh bien ce qui nous arrange de croire. Alors, cette tendance de l'esprit... alors oui, on dit aussi, par exemple, dès que je suis pressé, tous les feux sont rouges. Voilà, ça marche à tous les coups. Ou alors, dès que je lave ma voiture, tu peux être sûr que dans l'après-midi, il pleut. Alors aussi, la photocopieuse tombe toujours en panne quand on a vraiment, vraiment besoin d'imprimer un truc. Oh là là là là, ça arrive tous les jours ici. Voilà, ben évidemment. Alors là, attends, à 13h-3, avant le journal, il faut imprimer le journal, ça plante. Forcément. Et tout le monde qui crie, ah, l'imprimante, elle a planté. Voilà, alors donc il y a une raison à tout ça, rassurez-vous, hein, parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. Alors cette tendance de l'esprit à exagérer, voire à inventer des liens entre les événements, les chercheurs l'ont appelé corrélation illusoire, mais c'est vrai que la culture populaire s'en est emparée et on connaît mieux ce phénomène sous le nom de loi de Murphy. Et la loi de Murphy, c'est surtout valable justement pour tous ces trucs, toutes ces merdes qui nous arrivent chaque jour et on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous et que c'est systématique. Alors que on a la malchance. Alors que les corrélations illusoires, c'est quand même plus vaste, vous allez voir. Alors parfois, on confond par exemple la cause et l'effet. Alors à chaque fois, par exemple, qu'on prend des antibiotiques, on est fatigué. Alors on pense que les antibiotiques nous épuisent. Évidemment, la fatigue, elle n'est pas due à l'antibiotique, elle est due à la maladie hein, pour laquelle on prend les antibiotiques. Non, c'est les antibiotiques. Mais comme les deux événements surviennent au même moment, toujours ensemble, forcément, on crée un lien entre eux. Alors, au lieu de penser que c'est la maladie, effectivement, on se dit non, c'est l'antibiotique. Regarde, à chaque fois, j'en prends plus, c'est fini là. Voilà. Oh. Et donc, ça peut prêter à rire, mais on est tous victimes de ce genre de travers là et de ce genre de corrélation abusive et illusoire. Il y a bien évidemment tous ceux qui croient en l'influence de la pleine lune sur les suicides, sur les accouchements. Alors, il y a beaucoup beaucoup de croyances, voilà, avec la pleine lune, pour ne citer que ça, parce que de ce genre de superstition, il y en a beaucoup. Mais celle-là est très très répandue, et puis surtout, il y en a qui y croient dur comme fer. Donc voilà, la lune influence les accouchements, il y en a plus, il y a plus de suicides, il y a plus de ci, il y a plus de ça, les cheveux poussent davantage, etc. Alors que les statistiques se sont intéressées à ce phénomène et on a pu s'apercevoir que c'était faux. Il y avait pas plus de suicides, par exemple, ou plus d'accouchements les soirs de pleine lune que les autres soirs. Et donc pour rappeler l'espace de quelques secondes comment ça fonctionne, la seule influence de la lune, c'est la force de gravitation. Voilà, elle change de marée, et cette force de gravitation, elle s'exerce que sur les énormes ensembles, sur les masses énormes. C'est un des arguments de ceux qui croient en la force de la lune. Ils se disent, oui, mais attends, la lune, elle peut faire se relever des océans. Nous, vu qu'on est composé à 70% d'eau, c'est normal qu'elle nous fasse quelque chose. Eh ben non. Or, la force de gravitation, elle s'exerce que sur les objets énorme, hein, la force de gravitation de la Lune. Donc c'est pour ça que les océans bougent, mais pas les mers, par exemple. Il n'y a pas de marée dans les mers. Pourquoi ? Parce que la mer, il y a moins de masse. Et alors, à l'échelle de l'homme, la force de gravitation de la Lune est ridicule. C'est-à-dire que le médecin accoucheur, par exemple, a plus d'attraction gravitationnelle sur un bébé que la Lune. Voilà. Donc vous comprenez que la seule influence de cet astre-là, c'est l'influence de la gravitation, et qu'il est particulièrement minime. Donc voilà. Il est que sur les énormes objets. Voilà, sur les énormes. Et là, il y a une vraie. Il y a une vraie attraction physique. C'est quelque chose de concret. Et il y a pas. C'est pas. Il y a pas de lien de cause à effet inventé ensuite par l'homme et donc ensuite maintenu par superstition. Alors l'astrologie, c'est valable aussi pour l'astrologie, hein. Par exemple, vous avez tous connu ce genre de personnes. Moi personnellement, c'est vrai que j'essaie de prendre sur moi quand ça m'arrive maintenant. J'ai beaucoup de mal, mais il faut le faire. Corrélation. Alors vous avez toujours une personne, par exemple, qui vous dit ah toi tu pèses toujours le pour et le contre. Toi t'es bien une balance, toi. Toi t'es pas balance pour rien. Ou alors toi toujours foncé dans le tas. Toi t'es bien un taureau, toi. Ça m'étonne pas. Ce genre non, de conneries. Non, mais je suis balance. Voilà. Ce genre de conneries, vous l'avez tous entendu au moins une fois. Donc là, on sait. Toi, t'arrives pas à prendre une décision. Toi, t'es une balance. Voilà, on sait encore une fois que l'astrologie, bon, mais effectivement, bon, c'est bien rigolo deux minutes, mais il faut quand même pas trop y croire non plus. Et on sait par exemple, alors là, ça dépend d'un autre phénomène dont je parlerai peut-être tout à l'heure, le phénomène dit de Barnum. Voilà, c'est ce phénomène qui fait que parfois on a l'impression que l'astrologie, eh ben, elle dit des vrais trucs. On se dit, mais oui, c'est tout à fait moi, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Il est arrivé ça aujourd'hui. Donc on en parlera tout à l'heure, mais donc voilà un bel exemple de corrélation illusoire. Donc, tu es toujours à peser le pour et le contre, t'es une balance. Or, effectivement, tous les gens, à un moment donné, de leur vie, eh bien, parfois, ils pèsent un peu le pour et le contre. C'est pas pour ça qu'ils sont tous balance, effectivement. Non, mais vu qu'on sait qu'il est balance, on va attendre le moment où il pèse le pour et le contre pour lui dire. Évidemment. Alors, l'effet placebo est étroitement lié, d'ailleurs, à l'illusion de corrélation, le fameux effet placebo, parce qu'on établit un lien systématique entre prise de médicaments et guérison. Alors, on peut donc se sentir réellement mieux, hein, ça on le sait, après la prise d'un faux médicament, c'est le fameux effet placebo. Et il y a eu des expériences, par exemple, menées sur des groupes dans lesquels certains croyaient avoir bu de l'alcool, et d'autres n'avaient bu que de l'eau. Et bien à l'issue du test, ceux qui croyaient avoir bu de l'alcool, donc en fait c'était de la limonade avec un petit élément en plus qui donnait ce goût, ils étaient ivres. Ceux qui croyaient avoir bu de l'alcool étaient beaucoup plus agressifs et dans un état proche de l'ivresse. Et on connaît tous ce genre d'histoire où un gamin naïf s'est fait refiler de la terre par un pseudo dealer qui lui prétendait lui vendre du shit ou ce genre de truc. On a tous entendu ce genre d'histoire. Et dans la plupart des cas, le gamin naïf en question qui croyait acheter du shit et qui a acheté de la terre dit oh bah oui, j'étais défoncé, c'était trop fort. On a tous entendu ce genre d'histoire, des gens qui croient avoir pris une drogue qui en fait n'en était pas et qui ont ressenti les effets. Moi, je connais pas des gens qui prennent de la drogue, Patrick. Non, mais c'est le genre d'histoire qu'on a tous entendu, hein. Moi, ça m'est arrivé avec des bonbons. Des bonbons, voilà, ça peut arriver aussi. Donc l'effet placebo, donc c'est l'influence qu'on accorde à des éléments chimiques qui n'en ont pas, eh bien, elle dépend aussi de cette illusion de corrélation. On établit un lien entre les deux, donc on est persuadé que ça va marcher, que ça va faire quelque chose. Alors, si vous roulez, encore un exemple, si vous roulez sur une petite route et que votre pneu éclate, il y a plusieurs solutions. Vous vous dites, ça arrive en moyenne une fois tous les 60 000 km, je suis donc dans les normes, tout est normal. Ça, c'est Patrick. Soit vous vous dites, ça m'étonne pas, j'ai croisé un chat noir, j'ai marché sous une échelle, j'ai ouvert un parapluie dans une maison, etc., etc., donc il fallait que ça m'arrive. Ça, c'est Thomas. Voilà, donc puisqu'on a décidé que Thomas serait l'exemple mauvais s'il nous écoute ce soir, il va être triste. Alors, dans ce dernier cas, eh bien vous établissez un lien entre des événements qui n'en ont pas. Puisque des superstitions sont créées par les hommes, et vous pouvez vous-même très bien créer une superstition, et vous verrez que ça marche. Imaginez par exemple que, je ne sais pas, si vous laissez un de vos lacets défait, imaginez qu'il va vous arriver des merdes toute la journée. Et vous verrez que vous finirez par trouver un lien entre les deux éléments, parce que il arrive toujours des petits soucis dans une journée. Mais là, on aura tendance à les relier à un événement, parce que notre cerveau aura créé donc un lien. Ça revient à ce qu'on disait au début. J'ai pas pris mon petit déjeuner. Voilà, on peut vite. Et puis, en plus de ça, il y a un exemple très concret. On a tous ce genre de petit rituel. Il y a beaucoup de gens qui ont des gris-gris et qui se disent bon, si je fais pas ça, si je porte pas ça aujourd'hui, je vais foirer mon examen, je vais foirer mon truc. Donc c'est des petites auto-superstitions qu'on fabrique tout seul. Mmh. Et donc voilà, et on en est dépendant. Alors que bien évidemment, le meilleur moyen pour se rendre compte que c'est bidon, c'est de s'apercevoir que pour les gens autour de nous, ça ne fonctionne pas. Qu'ils aient le petit gris-gris que vous avez confectionné ou pas, ils s'en sortent. Donc c'est bien la preuve que tout ça est lié à vos croyances. Moi, il faut toujours que je porte une enclume pour m'en sortir. Voilà, là, pour le coup, il peut vous arriver vraiment des bricoles, parce que parfois, ça peut peser un petit, surtout en piscine notamment. Alors, si vous êtes crédule, vous pouvez aussi vous dire que vous avez mal agi quelque part et que vous avez été puni. Et dans ce cas-là, vous croyez à un autre phénomène qu'on appelle la justice du monde. Figurez-vous que c'est un phénomène psychologique que les chercheurs ont appelé comme ça, croire en la justice du monde, et on en parlera juste après. Et là, à présent, on va aborder un phénomène psychologique que les chercheurs ont appelé croyance en la justice du monde. Alors, certains croient que les gens méritent ce qui leur arrive et que les méchants sont punis, etc., etc. Ne pas rendre une personne responsable de ce qui lui arrive, ça revient à accepter l'idée angoissante que le monde est injuste et que d'innocentes victimes comme nous pourraient souffrir sans raison. Il le paiera de façon un jour ou l'autre. Alors, afin de conserver cette impression de vivre dans un monde prévisible, on a tendance à penser que les gens qui subissent quelque chose de mal l'ont cherché. Et c'est vrai que bon, c'est un petit peu facile, de la même manière que. T'avais prévenu. De la même façon que les méchants ne sont pas systématiquement punis, loin de là. Alors, en 75, un chercheur qui s'appelait Zuckerman appela des étudiants pour leur demander de faire la lecture à un aveugle toute une soirée. Alors. À ne pas confondre avec Zuckero. Voilà, donc la moitié des sujets avaient été contactés en dehors des périodes d'examen, quand ils avaient du temps libre. L'autre moitié avait été contactée en pleine période d'examen. Alors, les étudiants acceptaient bien plus souvent la demande, quand, à ton avis, en dehors des périodes d'examen ou pendant les examens? En dehors des périodes d'examen. Parce qu'ils avaient du temps libre. Bah oui. Eh bien, figurez-vous qu'ils acceptaient la demande pendant les examens bien plus souvent, alors qu'ils étaient débordés. Pourquoi? Parce que, donc, d'après Zuckerman, les étudiants se comportaient comme si le fait d'exécuter une bonne action pouvait influencer le sort en leur faveur pour les résultats. Il faut que je me libère. Inconsciemment, ils disent, si je suis bon, peut-être que j'aurai des meilleurs résultats à l'examen. Alors, dans une autre expérience, une infirmière demandait à des malades de prêter leur montre à un patient qu'ils ne connaissaient pas. Alors, trois catégories de malades étaient sollicitées. Les premiers, c'était ceux qui ne savaient pas s'ils allaient être opérés ou pas. Donc, ils n'avaient pas encore vu le chirurgien, ils étaient donc dans le doute. La deuxième catégorie de malades, c'est ceux qui savaient qu'ils allaient être opérés. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui avaient été opérés. Alors, ce sont bien évidemment les malades dans l'incertitude qui ont accepté le plus volontiers de prêter leur montre. Après, il y a ceux qui vont se faire opérer, parce que voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et ceux qui ont été opérés, ils s'en foutaient. En fait. Donc, comment ça ma montre? Donc, non. Ceux qui étaient dans l'incertitude se sont comportés comme si leurs actes pouvaient infléchir le sort positivement. Et donc ce filtre psychologique, on l'a tous plus ou moins inconsciemment finalement, et ça nous rend le monde plus supportable, et ça nous permet de tolérer davantage finalement les malheurs que subissent les autres. On se dit, bon bah il y a une justice là-dedans, y a un ordre dans tout ça. Donc c'est quand même une belle illusion, hein, la vie de tous les gens nous le montre. Il y a des innocents qui souffrent chaque jour, des enfants qui n'ont rien demandé, et puis... Arrête Patrick, arrête. Et puis il y a des gens vraiment gentils qui en chient, mais en même temps voilà, il faut quand même pas en tirer de conclusion trop générale, parce qu'on peut se dire bon bah alors dans ce cas-là voilà, il y a plus qu'à se comporter comme un vrai connard, de toute façon c'est vrai qu'il y a pas de conséquences, ce qui est vrai, mais le truc c'est que il faut pas établir de lien entre des éléments qui n'en ont pas. Par exemple, si vous agissez de manière honnête, gentille et agréable pour que demain il ne pleuve pas, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas, parce qu'il y a pas de lien. physique entre les deux éléments. En revanche, si vous voulez être sûr que les gens autour de vous vous aiment et donc vous aident en retour et sont gentils avec vous en retour, effectivement, il faut être quelqu'un de bon. Là, c'est évident parce qu'il y a un vrai lien direct. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est pas les gens qui se comportent de manière gentille et honnête se font enfler parce qu'il n'y a pas de justice. Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a des éléments qui n'ont pas le lien entre eux. Donc, voilà, vous pourrez être aussi gentil que vous voudrez, ça n'empêchera pas la terre de tourner ni la pluie de tomber. Mais par contre, il y a des conséquences directes à être quelqu'un de bon, effectivement, sur les gens. Ah, c'est pas parce qu'on est méchant qu'on se fait casser notre voiture, c'est juste parce qu'on se fait casser la voiture. Voilà. Effectivement, c'est vrai en plus d'ailleurs, c'est bien triste. Mais par contre, il peut y avoir un lien direct entre le fait d'être méchant et de se faire péter la voiture. Ouais. Si la personne qui vous pète la voiture, c'est celle avec qui vous avez été méchant. Voilà. Exactement. Évidemment. Il faut être gentil de toute façon. Alors, juste vite fait, puisque quand même le temps passe finalement, je reviens sur le phénomène de Barnum. Tout à l'heure, on parlait d'astrologie. Alors, vous avez tous remarqué, même ceux qui ne croient pas en l'astrologie, par exemple, ou d'autres disciplines du style, numérologie, etc. La tarotologie. Voilà, et beaucoup d'autres. Parfois, vous lisez alors là, je me demande où je suis allé le chercher, celui-là. C'est une coïncidence. Vous lisez... J'ai entendu le mot orthographe tout à l'heure, déjà. Vous lisez l'horoscope. Voilà, voilà ce que j'ai pris pour orthographe. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Vous lisez l'horoscope. Et là, vous vous dites, mais c'est très très vrai, là. C'est passé aujourd'hui. Ils disent que je suis comme ci, que je suis comme ça, oui, que je me sens comme ci. Et c'est vrai. Neptune était bien au-dessus de ma maison. Eh bien, ce phénomène s'appelle le phénomène Barnum. Parce que donc, dans ce genre de discipline, et tout particulièrement l'astrologie qui est exemplaire à ce titre-là, il y a des prédictions vagues, très vagues, dans lesquelles on peut mettre beaucoup de choses. C'est jamais des prédictions précises à l'heure près, avec des éléments concrets. C'est toujours des prédictions très vagues, du genre dans les mois à venir, vous allez rencontrer quelqu'un, ou il va se passer quelque chose dans le cadre de votre travail. Voilà, ce qui serait vraiment surprenant, c'est qu'il ne se passe jamais rien dans le cadre de votre travail, ou qu'en plusieurs mois, vous ne rencontreriez pas quelqu'un de nouveau. Voilà, donc des tensions se créent. Voilà. Et puis il y a aussi des traits de caractère qui sont lancés comme ça par les rédacteurs d'astrologie du style vous n'avez pas trop confiance en vous, mais vous êtes capable de vous dépasser vraiment. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin qu'on vous rassure, qu'on vous rappelle que vous aime. Vous êtes solitaire, mais parfois vous aimez la compagnie de d'autres personnes. Voilà. Comment tu sais, Patrick? Voilà. Comment tu sais tout ça? Ah, tu rigoles, mais c'est le genre de traits de caractère. Si tu les énonces à quelqu'un, il sera persuadé que c'est pour lui. Alors que c'est des traits de caractère qui se retrouvent chez tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est-à-dire que les gens, au lieu de penser de manière globale, ils pensent qu'à eux. Et ils ont l'impression, effectivement, que c'est pour eux que ça a été écrit. Alors que non, ça a été écrit pour le plus grand nombre et ça fonctionne. Mais non, ça a été écrit pour toutes les balances. D'ailleurs, si vous... Oui, alors ça, c'est l'exemple que je donne en général. C'est vrai que c'est assez infaillible. Vous lisez, par exemple, un horoscope balance... faites gaffe aux excès de table cette semaine. Rappelez-vous que, en Éthiopie, il y a des enfants balance aussi. Je pense qu'au niveau des excès de table, ils n'auront pas trop de soucis. Donc, gardez ça à l'esprit. Il n'y a pas que vous. Il y a des millions d'autres personnes. Tu fais un repas avec que des balances. Hop, attention. Voilà. On a pris une patate par personne. Donc gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas que vous, qu'il y a des milliards d'autres personnes qui sont concernées, et donc ça vous aidera à relativiser un petit peu. Taureau, il a le droit de manger plus que moi. Et cet effet Barnum se retrouve dans beaucoup beaucoup de choses, comme je vous le disais. Donc, et il y a un test à la base, en fait, un test qui a été écrit par le chercheur qui a inventé donc cet effet-là, qui a donné un nom à cet effet-là, un test dans lequel on répond à des questions, et à l'issue de ces questions, il y a des réponses, comme je vous le disais, d'ordre très général, avec des traits de caractère dans lesquels on se retrouve tous. Donc voilà. Parfois, on aime s'isoler pour réfléchir, mais on aime aussi la compagnie des gens. On n'a pas trop confiance en nous, mais on essaye de se dépasser quand même, etc., etc. Des trucs, on se retrouve tous dedans. C'était donc. Moi, j'ai super confiance en moi. Oui, non, mais voilà. Et j'aime pas la solitude. Mais alors oui, t'as raison de le dire, parce que des fois, il y a des gens, effectivement, qui ne vont pas se retrouver dans certains traits de caractère, mais qui vont les occulter, qui vont se concentrer sur ce qui fonctionne. Ce qui est intéressant dans l'horoscope. Cœur. Mais oui, ça s'est passé. Voilà. Et donc vous allez vous concentrer, toujours cette histoire de focalisation, au lieu de penser de manière globale, vous allez vous concentrer sur ce qui est vrai, sur ce qui colle, vous allez mettre de côté ce qui colle pas, parce que ça contredit votre vision de la chose à ce moment-là. Et moi j'ai toujours eu l'idée de, par exemple, de garder pendant, je sais pas, 3 mois le même horoscope, donc l'acheter tous les jours, le garder, et je suis sûr qu'il y a des trucs qui reviennent obligatoirement, ils doivent récupérer les trucs et les mettre. C'est évident. Cette fois-ci je le mets à la balance, bon celui-là je le garde en 2 mois, je le mettrai au taureau. Si vous voulez faire un test, voilà, un test efficace et drôle, bah, écoutez, vous prenez une personne qui croit en l'horoscope, hein, parce qu'il faut un minimum quand même, vous prenez une personne qui croit vraiment, qui est convaincue que c'est vrai, existe, etc., hein, ça existe, que les astres ont une influence sur notre vie, sur le fait que vous allez bouffer au resto dans la semaine, etc. C'est à cause de Mars. Voilà, comme si Mars n'avait que ça à foutre. Et donc, vous prenez... vous dites, je vais te lire ton horoscope. Ah bah oui, ça tombe bien, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Vous prenez un signe au hasard et vous verrez que ça concordera aussi bien que le véritable mais signe. Mais oui, ça m'est arrivé. Voilà, ça marche à tous les coups, donc c'est assez comique. J'ai Scorpion. C'était l'effet Barnum, et puis c'était en même temps le phénomène de croyance en la justice du monde. Donc vous l'avez vu, il faut pas accorder de lien entre les événements qui n'en ont pas, mais parfois il y a quand même des conséquences directes à nos actes, surtout envers les personnes. Donc soyez une bonne personne et vous serez assuré qu'autour de vous, les gens seront plutôt enclins à être cool, c'est évidence. Si vous êtes une balance et que vous êtes méchant, voilà, pas de chance. Mais il y aura pas d'influence sur le temps, ni sur votre santé, ni sur vos rentrées d'argent, voilà, donc il faut... Essayez de penser global et de vous demander à chaque instant, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une vision de la réalité? Je pense que c'est une vision décalée. Une vision décalée. On marque une troisième pause musicale avant de passer aux infos bizarres de la semaine, tout ce qui s'est passé d'étrange à la surface de la planète. Restez sur Age. Voilà, on aborde la dernière partie de cette émission qui était consacrée aujourd'hui à la psychologie, hein, aux phénomènes psychologiques auxquels on est tous confrontés mais qui sont toujours intéressants à étudier. Donc je rappelle que Thomas n'était pas là parmi nous ce soir, c'est bien triste. Donc si tu nous écoutes Thomas, à la semaine prochaine. On passe aux infos bizarres qui se sont déroulées à la surface de la planète cette semaine. On démarre par une histoire qui s'est passée en Roumanie. Qui est assez ironique. Alors en fait, c'est un patient qui s'est retrouvé à l'hôpital et qui a dû appeler les urgences pour qu'on vienne l'aider. Alors en fait, c'est un homme de 80 ans qui s'appelle Stéphane Ozoshi. Il a été admis à l'hôpital de Botoșani, donc c'est en Roumanie, et il a été mis sous perfusion par les infirmières qui ont oublié de venir lui enlever l'aiguille dans le bras. Alors donc monsieur Ozoshi a dit bon, j'ai attendu que les infirmières reviennent pour m'enlever l'aiguille, ça faisait presque une heure qu'elle me l'avait mis, personne ne venait, donc j'avais vraiment très très mal dans le bras. J'ai essayé de l'enlever moi-même, mais j'y suis pas arrivé. J'ai commencé à hurler, à pleurer, à faire tout ce que je pouvais. Finalement j'ai appelé les secours sur le téléphone. Il a appelé les secours sur le téléphone, qui croyait à une blague au départ, puis qui sont venus, hein, parce que donc les infirmières n'étaient pas là. Donc évidemment. Est-ce qu'ils avaient mis le pimpon? Pimpon, pimpon. Je sais pas, mais c'est quand même assez énorme ici. Mais évidemment, les infirmières, j'imagine, j'espère en tout cas, vont être blâmées. Donc voilà. Fouetté. On passe par Londres. Alors c'est un docteur, vous allez voir, un docteur. Avec des aiguilles de pain. Un docteur dont on se demande où est-ce qu'il a chopé son diplôme. Donc un docteur de planning familial à Londres, dans une clinique. Qui a expliqué à une de ses patientes qu'elle avait besoin d'un exorcisme parce qu'il y avait quelque chose de sinistre qui bougeait dans son estomac. Alors ce docteur, entre guillemets, s'appelle Joyce Pratt, elle a 44 ans, et donc elle a carrément balancé à sa pauvre patiente qui était venue là pour avoir des conseils sur les contraceptifs à la base. Donc elle lui a carrément dit qu'elle était sûrement possédée par un esprit maléfique et qu'elle avait besoin d'aide religieuse plutôt que médicale. Elle lui a donné des croix et des gris-gris pour repousser la magie noire, hein, donc... qu'elle est en train de subir. Et alors là, le bouquet, c'est qu'elle lui a dit que sa mère était une sorcière et que donc sa mère et son mari étaient en train d'essayer de la tuer. Donc il fallait absolument qu'elle aille voir un prêtre catholique à la cathédrale de Westminster parce que ça pouvait pas aller. Alors évidemment la patiente sûrement. Alors la patiente qui s'appelle Mrs. K, hein, puisque forcément son nom n'a pas été dévoilé. Eh bien, elle a dit qu'elle avait été évidemment très choquée, très intimidée, très secouée par ces révélations. Et tout de suite, un comité comme ça d'éthique et puis d'un conseil finalement de l'ordre des médecins s'est réuni pour savoir si cette femme devait continuer à exercer ou pas. Elle ne s'est pas présentée pour l'instant, donc voilà, on vous en dira peut-être plus la semaine prochaine. En tout cas, ça fait peur, hein. Ça nous rappelle ce juge qui demandait son avis au petit lutin invisible pour délibérer. J'en parle tout le temps. Donc voilà. Alors ensuite, on a un retraité. Possédé. Un retraité, ça se passe en Allemagne, qui a causé pas moins de 9 crashs distincts, 9 crashs de voiture sur une autoroute, après avoir exécuté rien de moins qu'un demi-tour sur l'autoroute. Ah, c'est donc, courant, c'est trop courant. C'est très mauvais pour la santé. Alors cette femme s'appelle Ingrid Schopenhauer, elle a 76 ans, et elle a expliqué très calmement aux officiers donc qu'elle essayait d'aller dans la ville bavaroise de Bayreuth. Et donc elle a pris un mauvais virage, elle s'est retrouvée sur l'autoroute A9 qui allait vers Berlin. Et puis donc là, Elle s'est dit qu'elle allait faire un demi-tour pour reprendre la bonne sortie, et elle l'a fait. Donc évidemment, les voitures arrivaient à fond dans l'autre sens, et elle a provoqué 9 crashs de voitures. Personne, par miracle, personne n'a été gravement blessé, heureusement. Mais bien évidemment, cette vieille dame a vu son permis retiré, c'est quand même la moindre des choses. Bien sûr, et puis là, plus jamais elle conduit, hein, pour, selon moi, il faut. C'est clair, parce que là, ça fait peur. Déjà, je sais pas pourquoi on en donne aux femmes, enfin... Bon, ça, moi, je me désolidarise totalement de ce genre de déclaration. Alors, toujours à Berlin... Une jeune femme qui menaçait de se jeter du toit d'un bâtiment administratif en Allemagne, et donc elle a provoqué carrément une bataille de rue, une bataille de masse. Alors pourquoi? Alors tout simplement, elle était là en train de se menacer, de menacer j'ai sauté. Mais en fait, elle était très haut, hein. Il faut savoir qu'elle était à 70 mètres, donc on l'entendait pas. Mais voilà, déjà. Et puis, donc voilà, ça faisait une heure qu'elle était là, j'avance pas, j'y vais pas. Et donc, les spectateurs, certains spectateurs en tout cas, ont commencé à l'encourager à sauter. Non! Donc, notamment un groupe d'adolescents, donc voilà, une bande de jeunes cons, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui commençaient à l'encourager, allez, saute, etc. Et là, vous allez voir, vous allez voir, c'est très mignon. C'est un groupe de SDF qui ont pris la défense de la jeune fille et qui ont commencé à engueuler les ados en leur disant « Mais arrêtez de dire ça !» Donc pour protéger la jeune fille. Et ils ont commencé à se battre. Donc les SDF gentils et les méchants ados, ils se sont battus. Une grosse baston qui a donc impliqué pas moins de 40 personnes quand même. Et pendant ce temps-là, ça c'est plutôt cool, la police a réussi à ramener la jeune fille à l'intérieur de l'immeuble. Ça c'est quand même bien vu. Et donc du coup, elle a pas sauté. Et ça a duré 3h30 l'histoire, hein, du moment où elle s'est pointée sur le toit, où il y a eu la baston, où elle a été sauvée, pendant 3h30. Et bon, comme je vous le disais, elle était suspendue à 70 mètres, donc elle a sûrement pas entendu ce qui se passait, ni capté qu'il y avait une baston pour elle. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Elle a pas sauté. Puisqu'elle s'en est sortie. Est-ce qu'elle s'est fait sauter après, non? Par les SDF, non. Voilà, c'est vraiment glauque. C'est horrible. Et d'ailleurs, je propose de marquer une petite pause, hein, au milieu des infos insolites. On va se finir, là, parce que... Pour digérer tout ça, quand même. Et nous voici de retour pour cette dernière partie d'Exocet. Exocet qui, ce soir, était, je vous le rappelle, consacré à la psychologie. Donc, si vous avez raté à la psychologie, mais attention, pas la psychologie de bazar, hein, la psychologie intéressante des phénomènes... Attends, c'était pas le marché, là-haut. Des phénomènes vraiment... intéressant et troublant sur notre personnalité pour mieux comprendre vos contemporains. Et donc, si vous avez raté cette émission, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur le podcast de Rage, rage.fr, ou en rediffusion. Si vous nous écoutez vendredi soir, vous êtes en direct. Donc, la rediff, c'est mardi à 9h10. Et si vous nous les écoutez mardi, eh bien, bonne journée. C'était la rediff. Ce soir, il y a Vision Décalée. contemporain, ça fait aussi contemporain. Contemporain, c'est vrai. Ça tue. C'est rigolo comme mot. Voilà. Donc on passe... À cause de cette phrase, personne n'écoutera Vision Décalée. On passe donc aux dernières infos insolites. Alors, une première qui se passe au Brésil. Donc, c'est un Brésilien qui a admis qu'il était accro, vous allez voir, c'est très spécial, aux enterrements, tout simplement. Il m'en faut un. Alors, il s'appelle Luis Quarizi, il a 42 ans. Il est de Batateis, donc voilà, c'est une ville au Brésil. Et il a assisté à tous les enterrements de sa ville depuis 20 ans. Il a même d'ailleurs démissionné de son job pour pouvoir nourrir cette addiction, hein, cette passion carrément. Et donc, ce qui a provoqué ce truc-là, c'était selon lui, hein, c'est la mort de son père en 1983. Et la première chose qu'il fait chaque matin, c'est allumer la radio pour savoir si quelqu'un est mort, tout simplement. Et s'il n'entend pas de nouvelles à la radio, il appelle les hôpitaux et carrément les pompes funèbres du coin pour savoir s'il y a des morts dans la journée ou quoi. Donc le porte-parole d'une des maisons funéraires de la ville a dit « On veut pas qu'il se fasse traiter, on veut pas qu'il parte en thérapie. » Parce que tout le monde espère le voir maintenant aux enterrements à chaque fois. C'est devenu une figure locale, c'est devenu une célébrité. J'espère qu'il viendra à mon enterrement. Voilà, c'est carrément ça. Et donc, s'il arrêtait de venir, il manquerait à tout le monde. Donc voilà, on veut pas qu'il arrête. Il manquerait surtout aux morts. Donc c'est quand même très spécial. Mais en même temps, c'est un phénomène qui existe aussi, qui s'appelle les pleureuses. Donc il y avait des femmes qui étaient parfois payées pour venir assister aux enterrements, pour pleurer, pour qu'on voit que le mort était quelqu'un de regretté. Donc finalement, il joue un peu le rôle de pleureuse. On retourne à Londres avec un jeune homme de 22 ans. Qui a commis la boulette, donc qui souffre de brûlures internes assez intenses après avoir allumé un pétard et l'avoir mis donc entre ses fesses, tout simplement. Donc si vous connaissez Jackass et que vous connaissez par exemple Steve-O, qui est un des plus barges de Jackass, vous savez qu'il fait assez régulièrement, hein, il met des feux d'artifice, des pétards dans ses fesses. Et donc là, ce jeune garçon l'a fait, mais il était moins expérimenté manifestement, puisque donc il a allumé la mèche, mais le pétard n'est pas parti, il a brûlé directement dans son rectum, absolument. Et donc s'en sont suivis des brûlures assez intenses. Mais il faut savoir que il a échappé au pire, ça aurait pu être beaucoup plus grave, puisqu'on sait que le corps produit naturellement du méthane, que le méthane est très inflammable et qu'il aurait pu brûler littéralement de l'intérieur. Donc ne le faites pas chez vous, hein, c'est quand même une belle connerie. Et pour les amateurs de méthane, juste après nous, il y a Tapage Nocturne, l'émission méthane de Rage. Voilà, l'émission méthane, ouais, c'est drôle. Les applaudissements derrière. Applaudissements. Et alors oui, le New York Times a précisé que le jeune homme en question, eh bien, c'était un ancien soldat qui revenait d'Irak. Hein, donc voilà, c'est pas forcément les plus malins qu'ils ont envoyés là-bas. Voilà, on continue avec une histoire qui s'est passée dans le Wisconsin en Amérique. Alors c'est un homme inconnu. Alors c'est Pépé Malin un petit peu, c'est le retour de Pépé Malin. Ah, j'adorais Pépé Malin. Ouais. Rappelez-vous, la saison dernière, on avait un Pépé Malin, un homme qui venait faire des palpations mammaires gratuitement à des jeunes femmes, voilà, d'un lotissement. Il disait, ah mais oui, je viens pour palper, comme ça c'est gratuit, c'est pour dépister les cancers. Donc il a tâté comme ça une bonne demi-douzaine de jeunes filles. Donc comme Pépé Malin, qui est ce héros qui est dans Fluide Glacial, le magazine peut-être que vous connaissez ou pas. Et d'ailleurs, les filles sont trop bien dessinées dans cette BD. Eh ouais, dans Pépé Malin, c'est très fort. Donc là, on a la suite un peu de Pépé Malin, puisque on a cet homme qui rentrait dans diverses boutiques qui étaient tenues par des femmes seules et leur disait « Vous avez un insecte sur vous, un gros insecte dégueulasse, pour qu'elle se déshabille. » Et donc ça a marché sur plusieurs personnes. Il y en a une jeune fille qui témoigne, qui dit « Il est venu, il m'a dit « Vous avez un insecte là. » Et puis là, il m'a tiré le pantalon vers le bas, il me l'a enlevé et il est parti. Donc elle était un peu déboussolée. Il a fait ça dans pas moins de 7 magasins différents. La police le traque toujours. Donc Pépé Malin, sur ce coup, il a fait fort puisqu'il a réussi à échapper à la police. En tout cas, voilà. Oui. C'est la fin. Ah, Mika, je me dis, il me fait des signes, qu'est-ce que c'est? Il essaie de me parler. Donc oui, effectivement, c'est la fin. On va vous laisser avec la suite des programmes de Rage. Si vous nous écoutez vendredi en direct, c'est Tapage Nocturne, effectivement, qui vous attend. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Thomas sera de retour. Restez sur Rage. Bye bye. Elle se sait. Le bizarre, l'inclassable, le décalé. Sur Rage.